Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène, épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. Je vais aller chercher vos filles, mon bon père Goriot, je vous les ramènerai. De force, demandez la garde, la ligne, tout, tout, dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. Dites au gouvernement, au procureur du roi, qu'on me les amène, je le veux. Mais vous les avez maudites. Qu'est-ce qui a dit cela? Répondit le vieillard stupéfait. Vous savez bien que je les aime, je les adore. Je suis guéri si je les vois. Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes bon, vous. Je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant. Ah, je voudrais au moins voir Delphine, pour lui dire de m'acquitter envers vous. Si l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là. Dites-lui que vous ne l'aimerez plus. Si elle ne veut pas venir, elle vous aime tant qu'elle viendra. À boire, les entrailles me brûlent. Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait, je le sens. Mon Dieu, qui refera leur fortune si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour elles, à Odessa, y faire des pâtes. Buvez ceci, dit Eugène, en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche, tandis que de l'autre, il tenait une tasse pleine de tisane. Vous devez aimer votre père et votre mère, vous, dit le vieillard, en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles? Avoir soif toujours et ne jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis 10 ans. Mes deux gendres ont tué mes filles. Oui, je n'ai plus eu de filles après qu'elles ont été mariées. Père, dites aux chambres de faire une loi sur le mariage. Enfin, ne mariez pas vos filles, si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout chez une fille, il souille tout. Plus de mariage. C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne les avons plus quand nous mourrons. Faites une loi sur la mort des pères. C'est épouvantable, ceci. Vengeance. Ce sont mes gendres qui les empêchent de venir. Tuez-les. À mort, le resto. À mort, l'Alsacien. Ils sont mes assassins. La mort ou mes filles? Ah, c'est fini. Je meurs sans elles. Elles. Nasie, Fifine, allons, venez donc. Votre papa sort.